C'est elle qui nous guette, nous écoute et nous attend. C'est elle qui nous prête nos évasions, nos rires d'enfant. C'est elle qui nous jette ces quelques mots de but en blanc. Sans elle, tout s'arrête, la vie, les rêves et le mouvement. Elle nous entête, nous embête, on la reprend. Elle sort de tête, s'envole et va, revient souvent. Elle veut tout connaître, nos émotions, nos sentiments. Sans elle, tout s'achète, tout se confond, passé, présent. Qui est-elle? Demande-moi. Celle qui marche auprès de toi. Qui est-elle et pourquoi? Éveille-t-elle par le touche des filles des lois? Elle nous entraîne, nous enchaîne et nous apprend. Elle, vide ou pleine, court les rues, les bruits, les gens. Elle, sale ou reine, étourdirait le chat d'Iran. Sans elle, se méprennent musiciens, chiens errants. C'est elle qui sereine, grave l'air et fuit le temps. Elle nous enseigne, retient les cheveux blonds ou blancs. C'est elle de la scène, aux illusions qui foutent le camp. Sans elle se réfrènent les traits d'union, les jeux d'antan. Qui est-elle? Regarde-moi. Celle qui chante près de toi. Qui est-elle et pourquoi? Rassemble-t-elle les misérables et les rois? Elle, ses graines se déclinent, se défend. C'est elle qui rappelle les cris, les voix de nos 20 ans. Elle, la rengaine, la mélodie que l'on entend. Sans elle, se déchaîne, vieille haine, oublie le vent. C'est elle qui nous guette. C'est elle, nos évasions, nos rires d'enfant. Sans elle, les peurs, les pleurs et le tourment. Sans elle, tout s'arrête, la vie, les rêves et le mouvement. Qui est-elle? Écoute-la. Celle qui danse autour de toi. Qui est-elle? Autrefois.